Unité 3. Dossier 1. Page 50-51. Médias et diversité. Bonjour et bienvenue dans Microscopie. C'est donc à ce sujet tabou de la représentation et de la présence dans les médias de ceux que l'on a baptisé les minorités visibles que nous allons consacrer cette émission. Est-ce aujourd'hui encore briser un tabou que de mettre un noir à la télévision, comme le dit Amirouche Laïdi, le président du club Averroès, un club, une association qui fait justement la promotion de la diversité dans les médias. On parle beaucoup de télévision et de diversité parce que la télévision occupe l'essentiel du temps des téléspectateurs, des Français. Mais cet enjeu, en fait, nous, on le travaille aussi bien sur les supports de presse écrite, de radio, de web. On travaille aussi sur trois axes majeurs, bien évidemment l'antenne, hein, donc la visibilité à l'antenne, l'emploi et également le contenu. Le contenu éditorial, parce qu'il ne suffit pas de mettre un Asiatique ou un Arabe à l'antenne, s'il est formaté et conditionné comme tout le monde, il répétera les mêmes clichés. Donc c'est pas uniquement une histoire de couleur de peau, c'est aussi une histoire de contenu éditorial. Et c'est pour ça que d'ailleurs la diversité, elle concerne tout le monde, les Blancs, les Noirs, les Arabes, voilà. Et que le contenu, il est primordial par rapport à l'antenne. Mais c'est vrai qu'on en parle énormément sur la télévision et puis on en parle énormément sur les représentations des minorités visibles. On en parle un peu moins sur toute forme de diversité, notamment le handicap, la catégorie socio-professionnelle et puis le genre sexuel. Le critère social est le premier critère.